السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، chers frères et sœurs, tout d'abord nous remercions Allah Azza wa Jal de nous avoir comblés de ses bienfaits apparents et cachés. On le remercie également de nous avoir permis de se rassembler pour étudier un chapitre de la science religieuse et pour se rappeler la parole d'Allah afin de s'exhorter. Nous entamons aujourd'hui, bi-idhnillahi ta'ala, la lecture et l'étude d'un épître d'un des plus grands savants de l'islam, qui est Al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullahu ta'ala. Cet épître s'intitule « Le blâme de la dureté des cœurs, ses causes et remèdes », qui est un épître qui est concis, un épître concis et résumé en trois parties. La première partie, l'auteur du livre, rahimahullah, va citer les textes parmi les versets du Coran, parmi les ahadiths, parmi les récits des pieux prédécesseurs, concernant le blâme de la dureté du cœur. Dans la deuxième partie, l'auteur du livre, rahimahullah, cite les causes qui amènent cette dureté. Et dans la troisième partie, il cite ce qui dissipe cette dureté, bien sûr avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Quant à la méthodologie du savant, Al-Hafidh ibn Rajab, rahimahullah, dans la compilation de cet épître, il s'est aidé de versets, de hadiths et de récits de pieux prédécesseurs, comme nous l'avons cité précédemment, et ceci est la méthodologie des gens du hadith. Quant à sa biographie de manière résumée, il est Al-Hafidh Abdurrahman ibn Ahmad ibn Rajab al-Sulami al-Dimashqi thumma al-Baghdadi. Il est surnommé Abu al-Faraj et il est connu sous le nom de Ibn Rajab. Il est né à Bagdad en l'an 736 de l'Hégire et il est décédé en l'an 795 de l'Hégire. Parmi ses professeurs les plus illustres, il y a le grand savant, l'érudit Ibn al-Qayyim al-Jawziy, rahimahullahu ta'ala. Voilà ce qu'on peut citer de manière résumée concernant la biographie du savant Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala. En espérant tirer profit de la lecture et l'étude de cet épître, on demande à Allah Azza wa Jal de nous assister et de nous octroyer la réussite et de nous compter parmi ceux qui prêtent l'oreille à la parole d'Allah et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Chers frères et sœurs, avant de commencer la lecture de cet épître, il convient de commencer par une introduction concernant le cœur, concernant la place du cœur, ou concernant le cœur et sa place dans la vie de tous les jours. Certes, Allah Azza wa Jal a créé l'être humain et ne l'a pas laissé sans but ni obligation à observer. Bien au contraire, Allah Azza wa Jal a créé l'être humain pour qu'il l'adore seul sans rien lui associer. Il lui a ordonné des choses comme il lui a interdit certaines choses. De même, Allah Azza wa Jal a comblé son serviteur de nombreux bienfaits. Parmi ces bienfaits, il y a la vue, le cœur, l'ouïe et d'autres bienfaits que l'on ne peut dénombrer. Et si nous voulions dénombrer les bienfaits d'Allah, alors on ne pourrait le faire. Certes, l'homme est ingrat. Il est donc du devoir du serviteur d'utiliser ses bienfaits dans l'obéissance à Allah, car le serviteur sera certes interrogé sur ses bienfaits. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dans le sens du verset, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. L'islam a donné au cœur une place particulière, car nombreux sont les textes du Coran et de la Sunna qui viennent réformer et orienter ce cœur vers ce qu'il y a de meilleur. Chaque individu possède un cœur. Ce cœur qui est le maître du corps et son moteur. Comme ceci a été rapporté dans le hadith de An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ala wa inna fil jasadi mudra, idha salahat, salaha al jasadu kulluh, wa idha fasadat, fasad al jasadu kulluhu, ala wa hiya al qalb. » Dans le sens du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'est-ce pas qu'il y a dans le corps un morceau de chair? S'il est bon, alors tout le corps est bon, et s'il est mauvais, alors tout le corps sera mauvais, n'est-ce pas que ce morceau de chair est le cœur ?» Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il y a donc à travers la réforme du cœur, la réforme du corps. De même qu'à travers sa perversion, il y a la perversion du corps. Et parmi les formes d'insouciance et de tromperie qui touchent le serviteur aujourd'hui, il y a le fait de se préoccuper et de donner une attention particulière au corps et de délaisser le cœur. S'occuper de son état apparent et être insouciant quant à son état intérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet effet dans le hadith de Abi Hurayra radiyallahu anhu rapporté par Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dans le sens du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah ne regarde pas vos images, ne regarde pas vos images. Il ne regarde pas vos images et vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Il convient ici d'attirer l'attention sur un point, qui est que on entend beaucoup de gens répéter la parole, la foi est dans le cœur. Et dans le même temps, la personne délaisse les obligations et est plongée dans les interdits. Et lorsque la personne est exhortée à faire ou à délaisser ceci et cela, il dit « la foi est dans le cœur seulement ». Ceci, bien sûr, est une tromperie, une ruse de shaitan et dans le même temps une mauvaise compréhension de la réalité des choses. Et la réponse à cela se trouve dans les deux hadiths que nous venons de citer précédemment. Car si le cœur était rempli de foi, alors il apparaîtrait sur les membres du corps les bonnes actions et le délaissement des péchés. Il est donc impératif de mettre tout en œuvre ce qui réforme ce cœur et de mettre en œuvre également ce qui raffermit ce cœur sur la rectitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, répétait souvent Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Dans le sens, ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et ce hadith a été authentifié par Cheikh al-Albani. Il est rapporté de Aïcha radiallahu anha qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait beaucoup, ô toi qui raffermis les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Elle lui dit, tu répètes beaucoup cette invocation. Est-ce que tu as peur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, oui, car les cœurs du serviteur ou le cœur des serviteurs sont entre deux doigts du tout miséricordieux, il les tourne comme il veut. Nous voyons dans ce hadith, dans ce récit, que le cœur n'est pas à l'abri de changer d'un état à un autre, de la bonne santé à la maladie et de la maladie à la dureté. Et ceci dû aux troubles, aux passions et aux ambiguïtés qui sont exposées au cœur nuit et jour. Comme ceci a été rapporté dans le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ عَرْضَ الْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدًا وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضًا حَتَّى يَصِيرُ الْقَلْبُ أَبْيَضَ مِثْلَ الصَّفَى لَا تَدُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدٌ مُرْبَدًا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ. Dans le sens du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les tentations sont présentées au cœur les unes après les autres, comme les branches d'une natte en osier. Tout cœur qui accepte ces tentations est marqué d'un point noir, et tout cœur qui les rejette est marqué d'un point blanc. Jusqu'à ce qu'il y ait deux types de cœurs. L'un d'eux, blanc, comme le mont Safa, qui ne sera touché par aucune tentation aussi longtemps que les cieux et la terre existeront. Et l'autre, le cœur noir, encerclé, comme un récipient retourné, ne reconnaissant plus ce qui est bien et ne rejetant plus ce qui est mauvais, sauf ce qui est en accord avec ses passions. Nous voyons à travers ce hadith que les tentations sont présentées au cœur, que la personne le veuille, que la personne le veuille ou non. Le cœur qui rejette ces tentations, ou le cœur qui rejette ces tentations, sera préservé, bien sûr, avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Quant au cœur qui les accepte, il sera noir, retourné, il n'acceptera plus le rappel, les exhortations, ne reconnaîtra plus le bien du mal. Lorsque nous retournons au texte du Coran et de la Sunna, nous voyons qu'Allah Azza wa Jal a catégorisé le cœur en plusieurs catégories dans le Coran. Il a blâmé les cœurs des gens du mal et il a fait l'éloge des cœurs des gens du bien. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Dans le sens rapproché du verset, puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, Allah ne guide pas les gens pervers. De même, dans sa parole, لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dans le sens du verset, ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ils sont comme les bestiaux ou plus égarés encore. Ceux-là sont les insouciants. Il dit également لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Dans le sens des versets, Allah Azza wa Jal dit « Afin de faire de ce que jette le diable une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur. Certes, les injustes sont certes dans un schisme profond. Et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumette en toute humilité, Allah guide certes vers le droit chemin, ceux qui croient. » Sourate Le Pèlerinage, versets 53 et 54. L'imam Ibn al-Qayyim a dit concernant ce dernier verset, il a dit « Le cœur est de trois catégories. Il y a le premier cœur qui est malade. C'est la personne qui est faible dans sa foi, celle à qui le vrai, la vérité, n'est pas claire, n'est pas ancrée en lui. À l'exemple de la personne qui sait que la prière est obligatoire, mais son cœur ne l'a pas poussé à l'accomplissement de celle-ci, alors que le statut de la prière est clair. La deuxième catégorie, le cœur dur, qui n'accepte pas la vérité, qui n'accepte pas la science profitable, et qui ne s'adoucit pas pour œuvrer dans le bien. Quant à la troisième catégorie, il dit, c'est le cœur qui est apaisé. C'est la personne pour qui la vérité est claire et ancrée. Il a cru et tiré profit de sa foi. Ni les tentations, ni les ambiguïtés n'ont d'emprise sur lui. Sa poitrine est large et son cœur est illuminé. L'imam As-Sa'di, rahimahullahu ta'ala, dit concernant la deuxième catégorie, concernant le cœur qui est dur, Il dit, ce sont les personnes sur lesquelles l'exhortation et les prêches n'ont aucun effet et qui ne comprennent rien de ce qui vient d'Allah Azza wa Jal et de son prophète, ceci en raison de la dureté de leur cœur. Nous voyons à travers cette brève introduction l'obligation de porter une attention particulière au cœur, de connaître l'état de son cœur à chaque moment. Lorsqu'il est triste, lorsque le cœur est apaisé, lorsque le cœur est dur, lorsque le cœur est malade. Car pour pouvoir traiter la maladie, il faut déjà connaître les causes de la maladie au préalable, afin de pouvoir la traiter comme il se doit. Chose que nous verrons, bi-idhnillahi ta'ala, à travers la lecture et l'étude de cet épître, dans lequel le grand savant Ibn Rajab va énumérer les causes ou quelques causes de la dureté du cœur, et par la suite, il va citer certaines causes qui dissipent cette dureté. L'auteur du livre commence son épître, il dit « Alhamdulillah, risalatun fi dhammi qaswati al-qalb, wa dhikri asbabiha, wa ma ta'oulu bihi, aw wa ma tazoulu bihi. Amma dhammu qaswati al-qalb, faqala ta'ala, ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم بين وجه كونها أشد قسوة بقوله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. L'auteur du livre a dit « La louange appartient à Allah. » Voici une lettre ou un épître sur le blâme de la dureté du cœur, ses causes et ceux qui dissipent cette dureté. Quant au blâme de la dureté du cœur, Allah Azza wa Jal dit « Puis en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis, ils sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore. » Ensuite, Allah Azza wa Jal a expliqué pourquoi ces cœurs sont plus durs que des pierres, ou sont plus durs que les pierres, dans la suite du verset. Il dit, car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux, d'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau, d'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Surat al-Baqara, verset 74. Avant tout, il convient de savoir ce qui est voulu de la dureté du cœur. Ce qui est voulu de la dureté du cœur religieusement parlant, c'est le cœur qui est vide de repentance envers Allah Azza wa Jal. Le cœur qui est dépourvu de soumission et d'humilité envers les signes et les versets d'Allah Azza wa Jal. L'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala a dit concernant la parole, puis en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Il dit, c'est-à-dire vos cœurs n'ont pas été touchés par ces signes, mais ils ont été insensibles à l'exhortation, après avoir vu les signes d'Allah, et après avoir témoigné des nombreux bienfaits d'Allah sur vous. Vos cœurs se sont endurcis, alors qu'ils auraient dû s'adoucir et se soumettre à la vue de tous ces signes. Ensuite, Allah Azza wa Jal compara leur cœur à la pierre, ou pire que la pierre, car certaines pierres s'affaissent par crainte d'Allah. De ce fait, la pierre est meilleure que les cœurs endurcis. L'auteur du livre a dit, وَقَالَ تَعَالَى أَلَمْ يَأْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدِ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Dans le sens rapproché du verset, Allah Azza wa Jal dit, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ceux qui est descendu de la vérité, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcir et beaucoup d'entre eux sont pervers. Sourate le Fer, verset 16. Le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit concernant ce verset, il y a eu entre notre conversion à l'islam et le blâme qu'Allah nous fit à travers ce verset 4 années. L'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit concernant ce verset, le moment n'est-il pas venu pour les croyants que leur cœur s'adoucisse et se soumette lors du rappel d'Allah, lors de l'exhortation, lors de l'écoute du Coran. Ensuite, il dit, rahimahullah, concernant la parole, et ne soyez point semblables à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Il dit, Allah interdit aux croyants de ressembler à ceux qui ont reçu le livre avant eux, parmi les juifs et les chrétiens. Lorsque le temps leur parut long, ils ont alors falsifié leur livre et l'ont vendu à vil prix. Ils prirent les prêtres et les moines en adoration. À ce moment, leur cœur se sont endurcis, rejetant toute exhortation. قال المؤلف, l'auteur du livre a dit, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَوَصَفَ أَهْلَ الْكِتَابِ بِالْقَسْوَةِ وَنَهَانَا عَنِ التَّشَبُّهِ بِهِمْ. L'auteur du livre a dit, Allah Azza wa Jal a dit dans le sens du verset, est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient aussi une lumière venant de son Seigneur, et s'il y a un sous-entendu, est-ce que cette personne est semblable à la personne à qui Allah n'a pas ouvert la poitrine à l'islam et qui ne détient aucune lumière venant de son Seigneur? Ensuite, Allah Azza wa Jal dit, malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. Sourate Az-Zumar, les groupes, verset 22. L'imam Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, a dit concernant ce verset, est-ce que le cœur qui a été rempli de la connaissance d'Allah, qui a reconnu l'unicité d'Allah, qui s'est soumis à la seigneurie d'Allah, ce cœur qui a été illuminé par la vérité, qui suit et obéit aux ordres d'Allah, qui délaisse ses interdits, est-ce que ce cœur est semblable au cœur qu'Allah a rendu dur, étroit quant à l'écoute de la vérité et qui suit ses passions? La réponse est non. Nous voyons à travers ce verset que celui qui a été guidé à l'islam, qui s'est soumis à son Créateur, s'est exhorté à travers la parole et les signes d'Allah, n'est pas semblable à celui qui a le cœur dur, qui ne s'est pas soumis à Allah et qui ne s'est pas exhorté à travers les signes d'Allah et sa parole. L'auteur du livre dit à la suite de ces versets, Allah a caractérisé les gens du livre de la dureté du cœur et nous a interdit de leur ressembler dans cela. Ce qui est voulu de cette parole, c'est la ressemblance dans le fort intérieur, c'est-à-dire le cœur, bien que la ressemblance extérieure aux gens du livre est elle aussi interdite. Allah Azza wa Jal a descendu sur les gens du livre, le rappel. Malgré cela, ils n'ont pas tiré profit de cela, mais à l'inverse, leurs cœurs se sont endurcis. De même, la personne qui entend les ordres et les injonctions d'Allah, qui entend les versets de son Seigneur, l'appelant à revenir vers lui et à se soumettre, mais qui en dépit de cela se détourne du rappel d'Allah en suivant ses désirs et passions, alors il est à craindre pour cette personne la dureté du cœur. Comment serait-il autrement alors qu'Allah Azza wa Jal dit dans le sens des versets, Allah a fait descendre le plus beau récit, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent, les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre, guide d'Allah par lequel il guide qui il veut, mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Sourate Az-Zumar, les groupes, verset 23. قال المؤلف, l'auteur du livre a dit, قال بعض السلف لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب إذا قسى. وفي الترمذي من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وفي مسند البزار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من الشقاء أربعة من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. L'auteur du livre a dit, rahimahullah, dans le recueil de At-Tirmidhi, d'après Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne parlez pas beaucoup, sauf dans l'évocation d'Allah, ou en dehors de la, ne parlez pas beaucoup en dehors de l'évocation d'Allah. Car parler beaucoup en dehors de l'évocation d'Allah est une cause de dureté pour le cœur. Et certes, les gens les plus éloignés d'Allah sont les gens au cœur dur. Et ce hadith a été jugé faible par Cheikh Al-Albani. De même, dans le Musnad de Al-Bazzar, d'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quatre choses font partie de la perdition. La sécheresse des yeux, la dureté du cœur, la longue espérance en la vie et la cupidité. Ce hadith également a été jugé faible par Cheikh Al-Albani, mais son sens est correct. Son sens est correct. Ce qui est voulu de la cupidité, c'est de faire de ce bas monde un objectif. De même, ce qui est voulu de la longue espérance, c'est avoir une longue espérance en la vie. Et celui qui a une longue espérance en la vie, ses œuvres seront peu nombreuses. قال المؤلف, l'auteur du livre a dit, وقال مالك بن دينار ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب ذكره عبد الله بن أحمد في الزهد. قال حذيفة المرعشي ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه رواه أبو نعيم. L'auteur du livre a dit, رحمه الله تعالى, Malik ibn Dinar a dit, le serviteur n'a pas été frappé par un châtiment plus grand que la dureté du cœur. Et ce récit a été rapporté par Abdullah, fils de Ahmad ibn Hanbal, rahimahumallahu ta'ala. Et ceci a été rapporté avec une chaîne de transmission qui est bonne. De même, Hudhayfa al-Marashi, rahimahullah, a dit dans le même sens, Le serviteur n'a pas été touché d'un malheur plus grand ou plus pire que la dureté du cœur. Chers frères et sœurs, nous voyons à travers cette première partie du livre les textes que l'auteur du livre a rapportés concernant la dureté du cœur, ainsi que la menace qui pèse sur la personne qui a le cœur dur, car nul doute que la dureté du cœur mène inévitablement la personne vers la perdition. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, nous verrons les causes qui mènent à la dureté du cœur. On demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver et d'adoucir nos cœurs. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.